À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Orange amère de Anne Patchett chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Orange amère m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose Pas pressé de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. Pas pressé est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. À découvrir sur la fabrique culturelle. Ils rentrent dans ce spectacle-là, dans cet espace, on appelait ça comme un espace blanc, un genre d'instant suspendu. Blizzard, le souffle de Flip Fabrique. On avait comme envie qu'on puisse avoir une forme fermée, disons un prisme, là, tu sais, qui est vraiment, les arêtes sont très claires, puis tout ça, pour avoir un genre de blizzard à l'intérieur, que ce prisme-là puisse se déplacer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique qui est entièrement consacré à l'univers des arts visuels à Québec. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tienne Lafrance qui est avec vous pour la prochaine heure. On va parler d'art. On va parler d'art notamment avec Rosalie Gamache, qui est notre première invitée. Rosalie se consacre à la peinture. Elle présente l'exposition Portrait double à la Bibliothèque Paul-Aimé à Charlebourg. Et c'est une exposition où elle explore les identités queer en utilisant notamment une approche très académique du portrait, mais avec également des procédés très, très, très actuels. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler avec l'artiste dans quelques instants. Ensuite, il y a Claire Dumoulin qui vient nous faire une chronique sur l'exposition « Installation ». L'Opéra d'art de Geneviève et Mathieu, qui est présenté actuellement à Regard à Lévis. Geneviève et Mathieu, ce duo extravagant de Rouyn-Noranda, qui présente une installation qui va se terminer avec une performance. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus longtemps avec Claire dans quelques minutes. Et en fin d'émission, c'est avec l'artiste photographe Charles-Frédéric Ouellette que je m'entretiens. On va parler de ce qui se passe à vue. Charles-Frédéric travaille à vue et s'occupe notamment des différentes publications parfois. Et actuellement, à vue, il y a une exposition qui est consacrée au livre photo qui est présenté par les rencontres de la photographie de la Gaspésie. On va avoir beaucoup de plaisir à parler de ce sujet-là avec Charles, qui est un très, très grand connaisseur dans le sujet. Mais pour l'instant, on va écouter un extrait de la sélection musicale de Simon Roy cette semaine. Donc, il nous présente le projet Warren Walk, très, très facile à prononcer. Donc, un projet musical du Russe Oleg Voronid. Donc, on écoute ça et au retour, c'est Rosalie Gamache qui vient parler avec nous. Bonsoir, Rosalie Gamache. Bonsoir. Bienvenue à l'aérospatiale. Tu exposes actuellement un projet qui s'appelle Portrait double à la bibliothèque Paul-Aimé Parent. Un projet de peinture. Oui. De portrait. C'est un type de personne très particulier que tu portraitures. C'est des personnes qu'on pourrait qualifier de queer. Oui, donc la série porte sur l'identité de genre. Oui. Donc ce sont toutes des personnes qui vont avoir des questionnements identitaires à ce niveau-là finalement, mais à différents niveaux. Donc on a différentes personnes qui vont être s'identifier pas au même genre que le sexe qu'ils sont, en tout cas oui. plusieurs un grand spectre de personnes queer de la communauté LGBTQ, mais également à travers ce sujet-là, Portrait double, tu t'explores la dualité de l'identité au travers de ces questionnements-là. Oui, ben exactement. C'est ça l'idée de la série, c'est que les techniques que j'utilise aussi vont servir à dévoiler ou à cacher certaines facettes chez la personne que je vais représenter. Donc, ça se veut un peu être des portraits psychologiques, on pourrait dire. Mm-hmm. Donc, il y a une certaine collaboration avec les personnes qui décident de poser. Et puis, ils vont pouvoir prendre certaines décisions au niveau de l'image que je vais créer, finalement. Donc, il y a vraiment une espèce d'approche un peu psychosociale aussi qui se fait dans la relation qui se crée avec tes modèles. Est-ce que tu peux nous parler, Rosalie Gamache, de comment tu noues cette relation avec les modèles que tu portraitures dans ce projet-là? Oui, ben ça commence avec des rencontres où on discute assez largement de la façon dont ils ont de s'identifier à un genre ou à l'autre ou aux deux. Donc, ça peut être très, très vaste à ce niveau-là. Et puis, on va discuter ensemble du concept de l'œuvre. Donc, ça peut aller jusqu'à la pose, l'attitude, les couleurs, les vêtements qu'ils vont porter. Donc, ce sont tous des accessoires qui vont leur appartenir. Et puis, on parle aussi de la technique que je vais utiliser pour faire le portrait, celle qui pourrait mieux les représenter. Donc, on parle de technique. Rosalie Gamache, t'as une facture très académique. Oui. Tu travailles la peinture à l'huile, donc c'est des portraits très, très réalistes, on peut dire. Qu'est-ce qui, dans ta technique, vient jouer sur la dualité de l'identité? Mais en fait, je vais te poser une question plus clairement. Tu joues avec la transparence, tu joues avec la superposition, tu joues avec l'entrelacement du médium. Donc, c'est des techniques que tu as développées pour parler de la dualité de la personnalité? Oui, ben ces techniques-là, à vrai dire, ont plutôt débuté dans un but seulement, on va dire... Dans d'autres contextes? Ben, dans un contexte seulement d'exploration... Okay. Technique finalement. Ouais. Puis c'est par la suite que je suis arrivée à trouver mon sujet qui allait finalement. Donc c'est par la technique que tu t'es intéressée à des sujets comme ça? Oui, ben c'est ça. J'ai commencé à travailler l'idée de faire deux portraits en un. Mm-hmm. Puis avec mon support, qui est un papier calque de polyester, ce support-là me permettait finalement de jouer avec la transparence, de le découper, de l'entrelacer. Et puis l'idée de faire finalement rencontrer deux portraits en un, avec ces recherches-là techniques, j'en suis venue à trouver un sujet qui allait avoir cette dualité-là, finalement, en lui. Et comment tu vas à la rencontre de ces sujets? Comment tu les rencontres? Ben, c'est certain qu'il y a certaines personnes que je connaissais déjà. Oui. Donc, dans mon entourage, des gens qui étaient déjà des amis, mais également aussi, c'est en parlant que certaines personnes se sont manifestées à moi ou le contraire. Donc, ça s'est fait un peu de façon naturelle, on peut dire. Donc, du bouche à oreille. Oui, du bouche à oreille. Le bon vieux bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour connaître des nouvelles personnes. Et tu as un parcours quand même assez particulier, Rosalie Gamache. Bon, tu as fait ton baccalauréat ici à l'Université Laval, mais auparavant, tu as également étudié à Florence, tu as étudié à Marseille. Est-ce que tu peux nous parler de à quel point ces moments d'études à l'extérieur du pays ont amené différents éléments dans ta pratique? Ben c'est certain que j'ai toujours été fascinée pour les beaux-arts classiques. Donc, mm-hmm. tout ce côté-là traditionnel, ça m'attire depuis que je suis toute petite, depuis que je fais de la peinture. Donc, je désirais aller chercher cette formation-là académique. Et puis, c'est ce que j'ai fait à Florence. Marseille, ça, c'était une session à l'étranger dans le cadre de mon baccalauréat. Mais c'est ça, en allant chercher ce savoir-faire-là, finalement, ça me permet une plus grande liberté au niveau de la représentation. Donc, est-ce que tu explique un petit peu, donc, qu'est-ce que tu veux dire par plus grande liberté au niveau de la représentation? C'était à Marseille que tu es allée chercher ça? Plutôt à Florence. À Florence, oui. Okay. C'est ça. Mm-hmm. Ben, Marseille, c'était à l'École supérieure d'art et de design de Marseille-Méditerranée, mais c'était pas une académie de beaux-arts. C'était plus un peu comme l'Université Laval ici, finalement. Mm-hmm, mm-hmm. Mais à Florence, c'était une école privée très, très académique, là, où on faisait tous les exercices de beaux-arts qui sont traditionnels, finalement, comme on faisait des natures mortes, on voyait l'anatomie pour faire du portrait, tout ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment acquis des connaissances qui m'ont permis d'être plus libre au niveau de la représentation, donc de pas avoir des contraintes techniques pour pouvoir peindre tous les sujets que je veux, finalement. Oui, ah oui. Donc, de pas seulement qu'être dans le réalisme, mais de donner la liberté de jouer avec le médium. Exactement. Et donc, on parle de jouer avec le médium. Tu parlais de papier calque en polyester. Oui. C'est ta base de prédilection? J'ai commencé à peindre là-dessus, c'est ça, justement, quand j'étais à Marseille, mm-hmm. parce que je cherchais un support qui allait être léger puis qui allait être facile de rapporter. Puis, j'ai fait des explorations techniques sur ce papier-là, si on peut l'appeler un papier, mais c'est du plastique en réalité, c'est du polyester. Et puis là, j'ai vu toutes les possibilités que ça pouvait m'apporter. Puis étant donné que c'est très lisse, ça permet une facture assez léchée, on pourrait dire. Donc, j'aime bien aller chercher dans mes œuvres. Et au-delà de cette facture très, très lisse, de cette facture léchée, tu vas également découper la matière. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une technique finalement qui est assez simple. Donc, je fais deux peintures qui sont réfléchies pour aller ensemble. Mm-hmm. Donc, les deux peintures, il y en a une que je vais découper en bande horizontale, l'autre en bande verticale, et puis je vais les entrelacer ensemble. Donc, ça crée un motif carrelé. Puis ce motif-là vient un peu finalement brouiller l'image. Donc, ça fait que notre cerveau essaie de reconstituer les deux images séparément, mais c'est impossible. Ça crée une espèce de vibration dans l'image. Et puis, chaque partie d'une œuvre qui nous est dévoilée va cacher l'autre. Donc, ça va un peu avec l'idée de l'identité et de la représentation. Donc, pour montrer, il faut cacher finalement. Oui. Ben cette idée du masque, oui, absolument. Du costume qui vient révéler quelque chose, mais qui cache aussi en même temps, c'est très, très fort dans ce... Mais c'est également une matière translucide. Est-ce que tu exploites aussi le recto verso, oui, de cette matière-là? Tout à fait. Donc, je fais les deux approches. Parfois, je vais peindre des deux côtés du papier calque et puis je vais faire rencontrer finalement l'envers d'une peinture avec la peinture qui est sur la couche picturale principale. Donc, c'est comme si je faisais des ouvertures dans ma couche picturale principale pour dévoiler l'envers d'une peinture. Donc, on est encore de plus en plus confus parce, oui, que la superposition vient un peu nous flouer là, dans notre perception du portrait. Oui. Donc, il y a un jeu avec ça. Mais merci beaucoup, Rosalie Gamache. Ton exposition Portrait double est présentée à la Bibliothèque Paul-Aimé Parent. Puis là, je cherche la date à laquelle ça se termine. C'est le 30 octobre. Le 30 octobre. Donc, oui, c'est présenté jusqu'au 30 octobre. C'est ouvert le jour, le soir. Allez voir cette belle exposition à Charlebourg. Et nous, on va partir pour une brève pause musicale. Et au retour, c'est Claire Dumoulin qui vient faire sa chronique. Thank you. Claire Dumoulin, bonsoir. Bonsoir, Tantiane, la France. Comment ça va? Ça va bien. Très contente de t'avoir à l'aérospatiale ici. Tu es allée à Lévis pour aller voir une exposition de Jean de Rouyn. Exactement. Le duo Geneviève et Mathieu, Geneviève Crépeau et Mathieu Dumont, oui, qui sont actifs depuis une quinzaine d'années hein, en art visuel. Oui, ça fait un bon 15 ans là, qu'ils travaillent ensemble les deux. Oui, c'est un couple dans la vie, c'est un couple dans les affaires, si on peut dire, parce qu'ils sont ils travaillent à l'Écart au, oui, centre d'artistes de Montréal. Ils sont co-directeurs, co-coordonnateurs de l'Écart, qui est le centre d'artistes en Abitibi-Témiscamingue. Oui, donc ils ont un groupe de musique aussi là, oui, ensemble. Mm-hmm. Geneviève et Mathieu, le groupe de musique, et puis ils sont à Regard, donc au Centre d'artistes de Lévis, pour présenter l'Opéra d'art, qui est un projet évolutif à grand déploiement qui a été présenté, donc qui a eu diverses manifestations. C'est présenté depuis 2017. C'est ça. Ouais. Puis ça a été comme initié, j'ai compris, à une résidence de Marseille. Ça s'appelait L'Empire de la création. Exactement, dans une première phase. Puis là, depuis 2017, c'est assez statique, bien que, au fond, je vous explique un peu ce que j'ai découvert. C'est une exposition qui est un peu un genre de décor, une scénographie pour une grande performance qui aura lieu à la clôture de l'exposition. C'est ce que j'ai retenu. Et ce qui rend un peu ça aussi intéressant, puisque la performance est toujours unique, À chaque fois, c'est différent. Il y a une improvisation, il y a des collaborateurs différents aussi à chaque occurrence. Oui. Ouais. Josiane Deloche, dans Le Soleil, semblait dire que c'était avec le cégep de Lévis-Lauzon qu'il y avait une collaboration. Oui, donc il y a des étudiants. Je réponds à tes questions. J'ai l'impression de passer en entrevue parce que je travaille à Regard. Oui. Mais oui, il y a des étudiants du cégep de Lévis-Lauzon qui vont participer à la performance, mais pas que. Il y a également la stagiaire de Regard, puis une autre personne aussi qui s'est manifestée durant le vernissage. Donc, il y a quelque chose de très organique aussi dans l'organisation de leur performance. Ils étaient comme, bon, mais il n'y a pas de nombre déterminé. On y va avec les personnes qui sont volontaires. C'est excitant. C'est ce que j'aime de ce duo-là. Ils aiment prendre des risques. Oui. Ils explorent plein d'avenues. Là, l'espèce de thème de l'opéra d'art, c'est qu'il y a comme un script, il y a comme une histoire assez abstraite. Quand on est visiteur de l'exposition, on arrive, on a des indices. Pour les accessoires sont là, on sent que les objets pourraient être manipulés dans le cadre d'une. Oui, c'est comme une espèce de mise en scène. Oui. Pour préparer la performance. Parce qu'on a l'impression que chaque chose va se mettre à être en action quand la performance va avoir cours le 31 octobre. Oui. Il y a des sculptures textiles, mais c'est aussi, moi, j'ai l'impression des costumes qu'on a taqués sur un bout de bois. Oui, probablement. Et si on regarde l'usure, là. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est dans la grande pièce, dans la grande galerie? Tous les murs sont tapissés d'une toile un peu générique qui montre un genre de palace d'or, donc opéra d'or, mm-hmm, et de cristal, avec en point de fuite, la Joconde. Donc, c'est assez... La Joconde qui a été collée là, ouais, qui est un petit peu plus grande que nature, ouais, et qui est pas au Louvre du tout, là. Non. Derrière, il paraît qu'ils ont changé la couleur du mur derrière la Joconde cette semaine. J'ai c'est lu vrai? Ça dans les nouvelles. Ouh, ça fait les nouvelles. Tremble. Ben, ça devait être usé aussi. Il faut rafraîchir la peinture des fois. Et donc, c'est un peu kitsch, cette toile-là. Il semblerait que c'était comme une toile que les photographes peuvent utiliser. C'est ça. Donc, Geneviève me disait qu'elle l'a achetée sur eBay. Elle est partie là, à la recherche de la toile de fond idéale. Elle a passé des heures et des heures sur eBay et elle a commandé ça en Chine. Fabuleux. Mmh. Et là, il y a comme une peinture du personnage de Geneviève, un peu, enfin, il y a comme une tête furtive qui a été peinte ici et là. Bref, on sent que c'est comme fait pour être animé. Et à la fin de la galerie, à travers les différents objets, différentes... objets sculptés, il y a des espèces de coupes de plâtre avec des dégoulis, des crottes de fromage, et accessoirement des fourmis vivantes. Oh! Mais c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est l'art vivant. Et puis, au bout donc de cette grande galerie-là, il y a des costumes aussi à travers, et on voit une vidéo, et là, avec la vidéo, Et là, on a vraiment l'indice là, qu'il y a vraiment un opéra, il y a quelque chose de scénique qui a eu lieu, qui pourrait avoir lieu. Donc, et c'est des extraits, et ça nous met vraiment, là, c'est quand même vraiment intriguant. C'est ça, c'est comme une espèce de bande-annonce. Oui, oui. Parce que on n'a que très peu d'images de la performance, oui. Mais c'est les artistes avec des personnes qui collaborent qui évoluent dans ce lieu-là. Ah oui. ce décor de l'opéra d'or. Il y a une danseuse à un moment donné aussi qui fait une performance. Donc, on dirait qu'ils ont comme invité des gens à venir s'approprier aussi ce lieu-là de certaines manières. Et là, et Geneviève est en transe un peu dans son personnage, un maquillage extraordinaire, et sa voix est altérée. On dit Et par le, il y a vraiment un traitement sonore qui est chouette. Ils ont déjà une espèce de dialogue abstrait, vraiment surréaliste, un questionnaire de patinage artistique. Et bref, avec les boîtes de pizza autour, on a l'espèce de... La table est mise un peu pour le... Est-ce qu'on lit... On pourrait lire le résumé de l'opéra d'or? Oui, parce que dans le synopsis qui nous amène à peut-être moins bien comprendre ou mieux comprendre l'installation, on sent qu'il y a vraiment un désir de raconter une histoire aussi au travers de tout ça. Puis c'est quelque chose qui est quand même peu commun dans la performance actuellement. Oui, c'est vrai. De vouloir avoir une certaine narrativité puis raconter quelque chose. La plupart du temps, c'est abstrait. Oui. Alors, c'est dans un futur proche, le livreur de pizza et sa femme Feu Catharsis, qui est interprétée par Geneviève, vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui est un ancien sculpteur et DJ dans une boîte de nuit. Elle, possédée par son ancien professeur, l'alchimiste Fulcanelli. C'est qui l'interprète, lui, d'ailleurs? C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Se prélasse dans de faux palaces brodés d'opéra. C'est dans un ghetto profondément sauvage où se côtoient artistes marginaux et rivalités que les tentatives de rompre avec leur passé vont s'épuiser lorsque le livreur de pizza se heurte à une mutante, nouvel espoir de l'art contemporain qui répand envie et poussière sur la ville. Donc, il y a vraiment ils ont vraiment développé une espèce de propos au deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré, name it, là, en bon français, sur l'art contemporain puis son système, finalement, parce qu'on a cette espèce de mutante qui est comme le nouvel espoir de l'art contemporain. Donc, il y a comme un clin d'œil aussi à cette espèce de système où les artistes évoluent, puis bon, parfois les carrières tendent à être moins sur la scène, puis là, des nouveaux artistes. Artistes qui arrivent. Donc, il y a comme un jeu aussi, un clin d'œil à ce système de l'art. Donc, il y a quelque chose de très méta-discours là, dans tout ça. Et les boîtes de pizza de restauration rapide, donc de consommation, qui sont avec une représentation là, du Christ de Borgia, qui est l'espèce de restauration vraiment ratée qui avait eu lieu, là, qui a fait scandale il y a quelques années. Qui est une œuvre d'art qui a fait le tour du monde, on s'entend. Oui, là. Exactement, c'est ça. Donc, c'est méta, comme tu dis, plusieurs niveaux de lecture. Mais ce que j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices, c'est que les performances de Mme Mathieu ne laissent pas indifférente. C'est vraiment, c'est marquant. Moi, je les avais vues en 2006 au Bain Saint-Michel, je voulais le dire, dans Viva Art Action, et ça m'avait marqué. C'était puissant. Ils avaient rempli le bain de c'est genre une scène dans une piscine. Dans une piscine vide, là. Et c'était fabuleux. L'ambiance sonore, ils se donnent, la performance aussi, ils sont vraiment, ils incarnent leur espèce d'histoire. Hein. Oui. Ouais. Alors, le 31 octobre, c'est vraiment là que ça se passe. Oui. Laissez faire les parties d'Halloween. De toute façon, c'est jeudi soir. Oui, ben, vous pouvez arriver déguisé. Oui, c'est ça. Là. Donc, la performance commence vers 18h. Elle devrait durer environ 1h30, 2h. Là. Fait que on peut aller au party d'Halloween après, garder son costume, aller au party d'Halloween, puis manger des crottes de fromage. Si vous voulez vous agencer, l'univers visuel est assis sur le orange fluo déjà. Oui. Donc, c'est très criant, mais c'est... On est dans la couleur de la citrouille. Aussi, c'est une coïncidence. Mais voilà. Ben merci beaucoup, Claire Dumoulin, pour cette très belle chronique sur l'installation L'Opéra d'art de Geneviève et Mathieu, qui est présentée à Regard jusqu'au 31 octobre. Et le soir du finissage, comme on disait, c'est une soirée de performance où toute l'installation là, devient le théâtre de la performance. Et nous, on va prendre une pause publicitaire. Et au retour, c'est Charles-Frédéric Ouellette qui vient nous parler de ce qui se passe à vue. crl.qc.ca. Le dimanche 13 octobre prochain, sortez. Allez à la rencontre de la Brigade littéraire extraordinaire en prélude au Festival Québec en toutes lettres. 40 artistes d'ici marcheront dans les rues pour offrir aux passants un poème, un slam ou une courte histoire liée à la suite du monde. On pourra les croiser dans les quartiers Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Vieux-Québec. Beau temps, mauvais temps? Le dimanche 13 octobre sera magnifiquement lumineux. Le Festival Québec en toutes lettres, 10 ans déjà. Le 31 octobre prochain, à compter de 20h, viens festoyer à la Korrigane à l'occasion de notre traditionnel party d'Halloween. Au programme, des coupes de citrouille et concours de costumes, plusieurs spéciaux et prix à gagner, le tout dans un décor renversant. À compter de 22h, le groupe The Black Coffees enflammera notre piste de danse. L'Halloween, c'est à la Korrigane que ça se passe. 380 rue Dorchester, quartier Saint-Roch. On parle d'amour à CKRL. La divorcée et ses complices, c'est un magazine, une nouvelle émission dédiée à l'amour et tout ce qui vient avec. Le flirt, le mariage, la séparation, le divorce. Ici Marilyn Petit, alias la divorcée. Chaque jeudi, de 9h à 10h, je recevrai des complices séparés ou divorcés qui viennent raconter leur histoire et aussi des professionnels qui partageront leur expertise et nous proposeront différents outils. Oui, pour le meilleur et pour rebondir, parce que la personne avec qui nous devons d'abord être en amour, c'est nous-mêmes. À l'occasion des élections fédérales 2019, Mont-Limoilou, en collaboration avec CKRL et le Carrefour de Québec, vous convie à assister à un échange-débat avec les candidats et candidates de la circonscription Beauport-Limoilou. Seront présents Simon-Pierre Baudet, du Nouveau Parti démocratique, Antoine Bugeaud, du Parti libéral du Canada, Alupa Clark, du Parti conservateur du Canada, Dalila Elak, du Parti vert du Canada, et Julie Vignola, du Bloc québécois. Au menu, 2 heures de discussion autour d'enjeux locaux et nationaux, ainsi qu'une période de questions du public. Venez assister en direct aux échanges et discussions le mercredi 9 octobre dès 19h au Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16 rue Royal-Roussillon. L'octet Bellflower est de retour avec un troisième album titré Upside Down, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ne manquez pas leur spectacle de lancement le 12 octobre au Théâtre Petit Champlain. Billets en vente sur themusicofbellflower.com. De retour à l'aérospatiale et nous avons avec nous en studio Charles-Frédéric Ouellet. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, c'était l'anniversaire de ta copine aujourd'hui. Ah oui, alors, tout à fait. on va souhaiter bon anniversaire à Catherine Lebel-Ouellet en onde. Bonne fête. Charles, je t'ai invité parce que il y a cette exposition de livres photos à vue et c'est bien intéressant. C'est une collaboration avec les rencontres de la photographie de la Gaspésie. C'est une exposition qui s'intitule L'espace du livre, territoire, édition, photographie. Donc, c'est une sélection de livres sur cette idée très, très vaste du territoire, au final. Oui, mais au départ, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que nous, on présente cette exposition-là qui est à l'initiative des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et des Puits, les pratiques et usages de l'image qui sont basés à Nantes, qui sont un groupe qui font de l'édition et puis qui aussi répertorie ces livres-là. Donc, c'est une collaboration entre le Québec et la France? Oui, c'est ça, on peut dire. Puis, en fait, l'exposition présente une cinquantaine d'ouvrages. Donc, la moitié ont été sélectionnés sur le territoire du Québec et l'autre moitié a été sélectionnée par les Puits. Donc, quand on parle de territoire, on peut parler de territoire urbain, de territoire naturel. On peut aussi parler de différents environnements, donc de différentes appréhensions du territoire via la photographie et via le livre qui présente les photographies. Tout à fait. En fait, même territoire artistique, c'est-à-dire que, tu sais, c'est, comme tu le dis, ça se décline sous plusieurs branches. C'est un thème qui est assez large aussi pour englober, pour aider à répertorier les livres photographiques qui ont été publiés là, sur nos territoires respectifs. Là. Donc, c'est pas une question d'exhaustivité. Il y a une cinquantaine d'ouvrages, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les manipuler. Ça, c'est rare qu'on puisse rentrer dans une galerie et manipuler les éléments qui sont mis en exposition. Oui, tout à fait. C'est sûr que là, quand on parle de livres photographiques qui sont présentés à vue, ce sont des livres qui, d'emblée, doivent être manipulés durant l'exposition. Ce ne sont pas des livres d'artistes précieux. Quelques-uns sont épuisés en termes de tirage, je veux dire, qui sont plus disponibles parce que c'est des livres qui ont été édités il y a déjà un bon moment de cela. Mais le but est principalement de venir faire l'expérience, se laisser tenter par l'idée de feuilleter les livres puis de se plonger à l'intérieur de ces différents univers photographiques-là qui sont présentés. Et la mise en espace, c'est faite pour inviter justement à la consultation, à la manipulation. Donc, on a des sièges, du café, donc c'est comme une espèce de salon. Oui, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est une forme de rétention aussi, amener les gens dans nos galeries à résister un petit peu plus qu'un moment de vernissage ou à repasser, puis à se laisser tenter à parcourir les livres. Je pense que c'était aussi la volonté des deux côtés de ne pas avoir une exposition muséale où on présente des ouvrages d'art et de graphisme, mais bien d'avoir comme des livres qu'on peut manipuler pour consulter. Parce qu'un livre photographique, c'est une expérience qui prend du temps à apprécier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au contraire, mettons, de la monographie ou d'autres livres où le contenu est significatif, dans le livre photo, on se laisse porter par l'œuvre uniquement. Donc, il faut quand même se laisser le temps là, de pouvoir absorber le rythme du livre et puis de prendre le pouls aussi de ce qui est véhiculé parce que c'est quand même un objet. Donc, il y a plusieurs facettes. C'est son contenu et son contenant aussi qui se confrontent. Donc, tu parles, Charles-Frédéric Ouellet, de rythme, mm-hmm. en parlant de livres photographiques. Est-ce que tu peux expliciter un peu en quoi ça consiste dans un livre photographique, le rythme? Tu sais, on pense à la poésie, on pense au rythme des mots, mais quand on pense à la photographie, pour certaines personnes, c'est peut-être plus difficile de penser en tant que rythme. La structure est un peu la même, c'est-à-dire que, et même on préfère le comparatif aussi avec la musique, parce que quand on construit un livre qui est parsemé d'éléments graphiques, iconographiques à l'intérieur, bien, les silences sont aussi importants que les images, les temps qu'on prend, comment on déploie les images, quel espace on veut leur donner aussi à l'intérieur du livre. Donc, ça devient significatif, ça, cette quantité de masse blanche qui est associée aux images, cette idée de taille du livre aussi, de manière de le construire, d'éléments de matérialité aussi qui est importante. Le papier joue pour beaucoup aussi, alors il faut quand même s'adonner là, à un certain regard là, quand on va dans une exposition comme celle-ci. Oui, mais on pourrait passer des heures et des heures parce que là, il y a une cinquantaine de livres qui est présenté. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont retenu ton attention dans cette sélection-là? Il y en a plusieurs. Je n'ai pas eu le temps de me plonger à 100% dans tous les livres. Forcément, il y en a qui sont plus simples, qui sont plus proches de l'idée des zines ou des constructions plus primitives de magazines photographiques. D'autres sont des ouvrages très exhaustifs. Dans les livres québécois dont je pourrais parler, il y a certainement le livre de Michel Campeau qui est sorti tout dernièrement, en fait, qui est un regard autour de son univers de la Chambre noire, autour de tout cet univers-là de la photographie argentique. Donc, il continue son exploration de la Chambre noire. Tout à fait, dans une narration strictement visuelle avec quelques textes à la fin, un très, très beau livre. Le livre aussi de Mélissa Pilon qui s'appelle Foule, qui était vraiment un coup de cœur cette année, un livre qui a été édité à quelques exemplaires. On souhaite qu'il soit publié en plus grand nombre prochainement. Un livre dans le jargon de l'édition, on dirait qui est bleed, donc dont les pages sont pleines. À fond perdu. À fond perdu, on pourrait dire. En bon québécois. Voilà. Et donc, qui en fait reprend cette idée où elle est plonge à l'intérieur de l'univers iconographique des magazines et du web pour trouver des images de foule. Donc, un livre très intéressant, là, une espèce d'objet ovni. Donc, il n'y a pas de vide. Tu parlais de rythme tout à l'heure, de pages blanches ou de marges qui viennent laisser des places différentes à l'image puis qui viennent créer du rythme. Dans le livre de Mélissa Pilon, là, il n'y a aucun vide, c'est que du plein. Oui, c'est que du plein. Puis on est dans la collection d'images, dans la recherche, puis on est aussi comme dans la granularité, dans la trame, on est dans tout plein d'éléments graphiques aussi qui deviennent une espèce de belle poésie visuelle. Donc, dans cette cinquantaine de livres-là, mais je peux pas m'empêcher d'annoncer qu'il y a un de tes ouvrages à toi. Oui, en effet, c'est « Je fais beaucoup de livres ». Est-ce que tu peux nous parler de ton livre à toi, Charles-Frédéric Ouellette, qui est présenté dans l'exposition? Ben, je peux en glisser un petit mot, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux publications. Il y a une publication qui est un livre photo, puis le deuxième est un livre qui a été fait en collaboration avec un autre photographe français qui s'appelle Christophe Goussard. Donc, c'est à mi-chemin entre un catalogue d'exposition et un livre photo. Hein. La frontière est des fois est fine entre les deux. Oui, J'avoue que pour lier nos deux univers photographiques, il a vraiment fallu laisser peut-être tomber un petit peu là, cette idée-là de mélanger nos regards pour retrouver une meilleure structure, rediviser un peu nos une approche plus didactique, je dirais. Peut-être, oui, didactique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette volonté-là de faire comprendre aux gens le sujet dont on parle. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, en fait, c'est lui et moi qui avons opéré une espèce de résidence croisée, si on peut dire, lui en venant sur notre territoire ici et moi en allant là-bas sur le sien, sur un sujet qui était commun autour des Basques qui sont venus ici, donc une partie de projet qui a été photographiée au Pays Basque et une autre partie qui a été faite le long de la côte du Saint-Laurent et du Labrador aussi. Donc, c'est un projet qui a des ancrages historiques. Et puis ce catalogue livre photo entre les deux et un peu une des traces qui reste de cette exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Oui, à vue et également en France. Oui, exactement. C'était un projet qui était initié par Manif d'Art. Qui était porté par différents diffuseurs Manif d'Art au Québec pour ma partie de projet, le FRAC Aquitaine pour le projet de Christophe en France, donc un projet de relations internationales, comme c'est un peu le cas dans cette exposition. Là où on essaie en fait de créer des ponts entre les territoires en amenant des gens comme les Puits cette fois-ci à venir ici parler de leur travail et pour nous aller là-bas et puis essayer de tisser des liens avec les gens sur le territoire européen. Donc les Puits, c'est un organisme, donc Puits c'est pour pratique et usage de l'image, donc c'est un organisme qui organise des événements exclusivement? Pas exclusivement parce que ce sont aussi des photographes, les gens qui sont... Donc c'est comme un centre d'artistes, c'est par et pour... On pourrait dire que c'est une organisation, non pas de lieu fixe. Okay. Et puis, ils répertorient, ils font des événements, ils s'occupent aussi en partie d'éditer, je crois. Là, je ne connais pas tout à fait leur mandat, mais je m'avance un peu. Mais ils seront des nôtres demain soir. Camille Hervouet, en fait, qui est une des personnes qui chapeaute l'organisme, sera là pour parler de son travail, entre autres, au Centre Vue. Donc, on va prendre une petite pause musicale avec encore une pièce de Warren Walk, toujours une sélection musicale de Simon Roy, et c'est le titre « Glimpse Outwards ». De retour à l'aérospatiale, Jean-Tienne La France toujours avec vous au micro en studio, et c'est Charles-Frédéric Ouellette avec qui on a une conversation à propos d'abord d'un événement qui va avoir lieu demain à Vue, donc un événement qui est organisé par les Rencontres de la photographie de la Gaspésie, et puis c'est un événement autour qui fait office de finissage, si on veut. Oui, si on peut dire, oui. Cette exposition, l'espace du livre Territoire, édition photographie. Et il y a différents invités qui vont être là pour faire une espèce de lecture publique d'ouvrages photographiques. Mm-hmm. Lecture publique ou présentation de leur travail, okay. Aborder différents aspects du livre photo. Oui. Ouvrir aussi une espèce de discussion, parce que ça c'est une chose qu'on apprécie beaucoup aussi à Vue, c'est que les gens soient mis en relation, qu'on ne soit pas non plus dans un acte de conférence. Mm-hmm. Donc ça permet comme de démystifier certains aspects, parce que forcément nos pratiques sont relativement différentes dépendamment d'où on vient. Et il y a deux photographes français qui vont être présents, Chimène Denulin et Jérôme Blain. D'où viennent ces artistes-là? En fait, je pouvais m'avancer là-dessus, je pense qu'ils viennent tous de Nantes. Et donc, il y aura aussi Camille Hervouet qui est un peu à la tête de tout ça, qui va aussi présenter son travail. Donc, il y aura aussi trois Québécois qui vont être là. Donc, il y a Normand Rajotte. Oui. Il y aura aussi quelques autres personnes dont je n'ai pas les noms. François Hamelin ici sous les yeux, mais tu m'as dit qu'il malheureusement, a décliné. Il ne sera pas là, en fait. Okay. C'est parce que c'était un des partenaires qui est là ce soir, parce que l'événement se décline en deux temps aussi. Okay. C'est-à-dire qu'à Montréal ce soir, dans un premier temps, et puis demain à Québec pour présenter un événement qui sera légèrement différent aussi dans sa formule. Donc, un événement qui est plus dans une formule d'échange, de partage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les gens sont invités à venir directement dans l'espace de diffusion dans notre grande galerie, et puis il va y avoir une projection en plus, et puis une prise de parole de la part des intervenants. Donc c'est une rencontre autour du livre photographique. Le livre photographique a quand même le vent dans les poupes en ce moment, je dirais. On peut dire ça. Pour parler marin. et à Vue, il y a vraiment une expertise qui s'est développée dans les dernières années. Et toi, Charles-Frédéric Ouellette, tu participes à ce volet édition chez Vue pour les livres photographiques, dont tu travailles avec les artistes pour l'édition de leurs livres. Tu as travaillé notamment, là, on a présenté le livre Roche... Plante, mer, bois. Je me souviens jamais de l'ordre. Roche, plante, mer, bois d'Audrey Demers-Reberge et Amélie-Laurence Fortin. Également, tu as travaillé sur... Le livre de Louis Perrault, Les Affluents. Oui, Les Affluents de Louis Perrault, donc en coédition avec les éditions du Renard. Et il y a également un projet là, qui vient de débuter avec Lorraine Gilbert, donc une photographe là, avec laquelle Vue va éditer un livre photo. Charles-Frédéric Ouellette, comment on travaille sur l'édition d'un livre photo avec des artistes? Comment ça fonctionne, cette collaboration-là? C'est du cas par cas, j'imagine. C'est vraiment du cas par cas, puis il faudrait peut-être aussi expliquer un peu l'historique de Vue à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que Vue a toujours fait des publications. Il y a eu une époque, une maison d'édition à l'interne qui s'appelait J'ai vu, donc qui amalgamait le texte et l'image, donc qui invitait souvent un auteur à écrire en parallèle avec un artiste qui déployait des images à l'intérieur de ça. À un certain moment, on a senti que les besoins étaient différents aussi, que ça répondait peut-être moins aux besoins des artistes. Forcément, à l'intérieur du centre, on est tous des artistes, on a tous des pratiques aussi autonomes. Le livre photographique est vraiment quelque chose qui est là depuis le début de la photographie, bien avant même que l'exposition arrive. Le médium de l'imprimé était là. Mm-hmm. Donc, pour nous, on le voit juste comme une extension naturelle du médium. Puis, faut le considérer aussi à part entière, comme on considère l'exposition. Le livre est un territoire autonome qui n'a pas de besoin d'aller dans d'autres champs pour se représenter. Donc, depuis 2010, on a fait le choix de se consacrer à des projets qui sont plus photographiques, où le livre est complètement autonome, qui est porteur d'un projet très spécifique, qui n'est pas une monographie ou un ouvrage rétrospectif ou une idée d'un ouvrage thématique où on pourrait regrouper certains artistes à l'intérieur du livre. C'était une direction qui était première, mais comme on dit, c'est toujours du cas par cas. Donc, ça dépend vraiment des idées idées qu'on a en tête, mais là, en ce moment, je pense qu'on a le goût d'explorer directement des projets d'artistes. Dans les derniers temps, en fait, on a travaillé avec Audrey Demers-Roberge et Amélie Laurence-Fortin dans un projet d'artistes qui n'était pas issu de la photographie, donc ça nous a amené aussi cette sortie de notre zone de confort, puis eux, parallèlement, ça leur a permis d'explorer l'univers du livre. Avec Louis Perrault, bien, on était dans une approche un petit peu plus... Lui, c'est un habitué, lui, du livre photo. Oui, tout à fait. Lui-même est comme à la tête des éditions du Renard. Donc, c'était une idée de coédition aussi. Un travail tout en noir et blanc, monochrome, quelque chose de plus poétique, peut-être de plus recherché dans l'approche photographique, parce que c'est son médium premier, il faut le dire. Alors que chez Audrey Demers-Roberge et Amélie Laurence-Fortin, ce sont des gens qui pratiquent le dessin, la vidéo, la peinture, la photographie, sont des artistes assez complètes. Alors, avec les nouveaux livres qui sont en chantier pour l'instant, Lorraine Gilbert, c'est un coup de cœur que j'avais depuis longtemps de vouloir faire un livre avec cette artiste-là. Une artiste qui présentée à vue dans le passé. Peu de personnes peuvent se rappeler de son travail parce que ça fait 25-30 ans de ça facilement. mais c'est un désir aussi de travailler avec des travaux plus anciens, de ne pas toujours chercher les travaux du moment, de pas seulement soutenir les artistes qui ont des productions, des nouvelles productions. Parce qu'on sait, en tant qu'artiste, c'est relativement difficile, ça aussi, oui. Parce qu'on est tout le temps forcé à produire un nouveau corpus de travail. Et puis, pour nous, l'archive est quand même très importante. Puis, il y a des travaux qui, pour nous, nécessitent d'être publiés aujourd'hui, qui sont tout à fait actuels dans leur approche. Et puis ça, c'est un très beau travail en couleur qui a été fait dans les banlieues à Vancouver. Un travail de nuit au flash, une belle expression artistique en couleur au début des années 80, qui, pour moi, est tout à fait actuelle. Donc, ce projet-là de Lorraine Gilbert, j'imagine qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs expositions. Oui, quand même. Mais il n'a pas fait l'objet d'une édition. Là, c'est de réfléchir ce corpus d'images-là en fonction de cet objet autonome qui est le livre. Oui, tout à fait. Puis, bon, c'est sûr que là, il y a une position, mettons, une position de direction artistique qui a peut-être été plus forte parce que moi, j'avais ce désir. Tu sais, on l'a amené en comité. J'ai dit, waouh, ça, c'est un projet, ça serait vraiment génial si on pouvait faire un livre avec ça. Oui. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a abondé en ce sens-là. Puis, à partir de ça, bien, tu sais, on approche l'artiste, on voit ce qui est possible. C'est vu qu'elle proposait à l'artiste de faire un livre. Oui, elle est venue vers vous avec son projet d'exposition, puis vu, elle fait, ça va jusque-là, la direction artistique. Oui, tout à fait. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que les artistes sont appelés à proposer des projets. On est toujours ouvert à voir des nouveaux projets. On veut que les gens nous envoient des maquettes. D'ailleurs, là, en ce moment, on a un appel de concours de maquettes qui est pour le 15 octobre, qui est la semaine prochaine. Alors, si vous n'avez pas déjà envoyé vos projets, je vous le rappelle. mais bref, c'est vraiment dans toutes les directions. T'sais, nous, on est des passionnés de livres, donc forcément, on en consomme. On est tout le temps plongé là-dedans, puis on a des idées qui nous traverse la tête. Alors, quand on en a puis qu'on des projets qu'on veut mettre de l'avant, bien, on s'avance. Bien, alors, merci beaucoup, Charles-Frédéric Ouellette, pour ce bel entretien autour du livre photographique. Et bien, on rappelle qu'il y a un événement demain pour le finissage de l'exposition L'espace du livre Territoire édition photographie. C'est à vue à partir de 18h. Et nous, on va écouter une pièce, encore une fois, de Warren Walk. C'est la pièce Ultimate Uptake. Et au retour, c'est l'agenda de la semaine. Alors, on a un merveilleux metteur en onde aujourd'hui, Jacques Gignac, qui est malheureusement malade, et c'est Christophe qui s'est offert à pied levé. Christophe qui ne contrôle pas nécessairement tous les pitons et les subtilités, mais beaucoup mieux que moi. Parce que moi, mon boulot ici à l'aérospatiale, c'est de parler. Et on va parler maintenant de ce qui se passe cette semaine dans le monde des arts visuels. D'abord, tout se passe jeudi. Je vous le dis tout de suite, il y a un événement à la Chambre Blanche. C'est l'artiste mexicain-catalan Roc Pares, qui est en résidence du 13 septembre au 24 octobre. Et il va développer le projet BHDD. C'est une expérience artistique immersive qui prend la forme d'une installation interactive qui permet aux participants de vivre leur propre décapitation. Virtuel, on s'entend. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est son ouverture de résidence demain, le 10 octobre, en 5 à 7 à la Chambre Blanche. Et demain également, il y a un vernissage à la souche de Stoneham. C'est Vincent Gallarneau qui travaille à partir de micro-textures en photographie, donc qui présente son projet Fluide. C'est également à partir de 17h et ça va être présenté jusqu'au 1er décembre. À 18h, c'est le finissage à vue de l'exposition L'espace du livre, territoire, édition, photographie. Donc, lecture publique d'ouvrages, présentation de démarches et séance de signature là, avec de nombreux photographes, autant de la France que du Québec. On en a parlé il y a quelques moments avec Charles-Frédéric Ouellette. Et c'est la dernière semaine pour aller du côté d'Espace Parenthèse, pour aller voir Orange Bleuté au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, pour aller voir la répétition de Wartin Pantois, donc jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche pour revisiter la très belle exposition de René Derouin à la Galerie Michel Guimond, et jusqu'à lundi pour aller voir les passages insolites dans le Vieux-Port, Place Royale, Petit Champlain, Saint-Roch. C'est une activité vraiment formidable à faire en famille. Et également, c'est mardi, la dernière journée pour aller voir Cône et Couronne de Jean-Pierre Morin, qui est une très très belle exposition. On a une belle conversation avec Jean-Pierre à propos de cette exposition. Et maintenant, c'est le temps de parler avec Pierre Blais. Alors, c'est un thème inusité pour... Je l'aime, moi, ce thème-là. Ben oui, hein? Oui. C'est comme joyeux. Oui. Mais tranquille, ça relaxe. Oui. Alors, c'est pas du comme... Du Xanax à gogo. C'est pas comme le Joker. Le Joker non, qui fait ça, réagir oui, dans les salles. Énormément. Et ce qui est surprenant présentement, c'est que je pense que de par le type de film qu'il est, et pas de présentation, on sait c'est quoi le Joker en ce moment avec Joaquin Phoenix, oui. C'est le film de l'heure, mais je pense qu'il obtient trop de succès. C'est un film de genre, okay. C'est un film violent. J'ai rien contre, là, c'est pas péjoratif. Je décris le film, il est numéro un au box-office, mais c'est pas un film fait pour être numéro un au box-office. Il risque d'avoir un backlash aux Oscars. Je suis pas certain qu'on va avoir le goût de célébrer ce genre de film-là qui fait parler présentement et dont on va parler dans l'émission, notamment avec Patrick Marleau, parce que j'ai vu le film, Patrick également, je sais pas si on va te chicaner, mais c'est vraiment l'un des films marquants de 2019. En tout cas, tu m'intrigues, Pierre Blais, on t'écoute. Voilà. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Cinévoyage présente Turquie, Joker et Kwesi Pan. Et au Clap Loretteville, Cinévoyage présente Turquie, Joker, Kwesi Pan et Rambo, la dernière mission. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.